بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue au chef carré sœur. Aujourd'hui le cours numéro 64 dans l'exégèse du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'exégèse du Juz Amma, le 30e et dernier Juz. Aujourd'hui, on verra une sourate Mekkiya, sourate Al-Zalzala, la sourate numéro 99. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après la basmala: Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Lorsque la terre tremblera d'un tremblement sans précédent, et qu'elle sortira son fardeau, et que l'être humain dira: qu'a-t-elle? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. En ce jour, elle contera son histoire. Bi anna rabbaka awhalaha. En fonction de ce que ton Seigneur lui a ordonné. Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. En ce jour, les gens sortiront séparément afin que leurs œuvres leur soient montrées. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Alors celui qui accomplira un bien, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Et celui qui accomplira un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Il y a donc dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Lorsque la terre tremblera d'un tremblement sans précédent. هَذَا الزِلْزَلْ هُوَ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ. Et donc ce tremblement, c'est le tremblement de la fin des temps. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَذْكُرُ لَنَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ مَا يُخَوِّفُ الْعِبَادِ لِيَرْجِعُوا إِلَى طَاعَةِ رَبِّهِمْ. Certes, Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى, il nous cite dans cette sourate ce qui va mettre en garde les serviteurs et va leur faire peur afin qu'ils puissent revenir à l'obéissance de leur Seigneur. Faya'muruhum biha bitaqwa. Et donc par cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala appelle ses serviteurs à le craindre. Comme il dit tabaraka wa ta'ala dans une autre sourate: Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhkulu kullu murdi'atin 'amma arda'at. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ô homme, craignez votre Seigneur. Certes, le tremblement de la fin des temps est quelque chose de terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Subhanallah. Toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femme enceinte perdra ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, mais ils ne sont pas ivres. Cependant, le châtiment d'Allah est terrible. فاتقوا الله يا أيها الإخوة والأخوات. Alors craignez Allah, ô chers frères et sœurs. وَاتْرُكُوا مَعْصِيَتَهُ. Et délaissez la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Repentez-vous des péchés. فَإِذَا جَاءَتِ الْقِيَامَةِ فَلَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا. Car lorsque le jugement, lorsque Al-Qiyamah, la fin des temps, le jour de la résurrection arrivera, alors la foi ne sera profitable à aucune âme. Aucune âme qui avait mécru avant cela, et qui ensuite a la foi, ne pourra profiter de cette foi. Car il est trop tard. Et dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, zilzalaha, son tremblement. Cette parole que j'ai traduite en disant d'un tremblement sans précédent. Ça, c'est une explication. Mais sinon, le terme utilisé, c'est zilzalaha, c'est-à-dire son tremblement. Donc on peut dire lorsque la terre tremblera, de son tremblement. Mais ici, on ne comprend pas ce qui est voulu. فالمراد هنا أي هذا الزلزال الشديد الذي لم يكن مثله قط. C'est-à-dire son tremblement, c'est-à-dire ce tremblement terrible et violent dont il n'y a pas eu de tremblement semblable auparavant. Et donc son tremblement, le tremblement de la terre, c'est-à-dire son tremblement le plus violent. Comme je l'ai cité, c'est son tremblement, c'est un tremblement sans précédent. Ta'ammalu ibadallah. Antum tarawna ma yahsulu fil alam. Madha halla fi ba'd al buldan min al shada'id min ajl al zilzal. Méditez, ô serviteurs d'Allah. Vous voyez, dans les informations, vous voyez ce qui se passe dans le monde. Et ce qu'il y est arrivé, ce qu'il est arrivé dans certains pays, comme difficulté à cause des tremblements de terre. وَزِلْزَلُ السَّاعَ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ قَطْ. Et le tremblement de la fin des temps ne connaît pas de semblable. Il n'y en a pas un qui soit semblable à celui-ci. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui continue et qui nous dit wa akhrajatil ardu athqalaha. Et lorsque la terre sortira son fardeau, ay tukhriju man fil kubur. C'est-à-dire que la terre sortira ceux qui sont dans la tombe. Ceux qui sont dans les tombes, tout le monde, tous, ils sortiront de leur tombe. يَخْرُجُونَ مِنْ كُبُورِهِمْ لِلْحِسَابِ عِنْدَ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Ils sortent de leur tombe pour être jugés auprès du maître de l'univers, le seigneur de l'univers. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهُ. Et que l'être humain dira, qu'a-t-elle ? يَخْرُجُ وَيَكُولْ مَذَا حَدَثْ. Il sortira et dira, que s'est-il passé ? يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Alors ce jour-là, elle contera son histoire. فَتُخْبِرُ بِمَا فَعَلَهُ النَّاسُ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Et donc la terre, elle informera de ce que les gens ont fait sur elle, comme bien et mal. لأن الله تعالى أذن لها بذلك. Car Allah Ta'ala lui a permis de faire cela. فليس هناك مكان في الأرض تستطيع أن تعصي الله أن تعصي الله تعالى دون علمه بمعصيتك. Et donc, il n'y a nul endroit sur la terre sur lequel tu peux désobéir à Allah Ta'ala sans qu'il ne sache que tu lui as désobéi. وليس الله بحاجة إلى شهادة الأرض ولا غيرها من المخلوقات فإن الله يعلم كل شيء. Et certes, Allah n'a pas besoin du témoignage de la terre, ni d'autres témoignages des autres créatures, car Allah connaît toutes choses. لكن هذه الشهادة لإظهار كمال عدله تبارك وتعالى. Cependant, ce témoignage de la terre est un témoignage pour montrer la perfection de sa justice, tabaraka wa ta'ala. Al-Allama ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, « لِأَنَّ الْمُجْرِمِينَ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونُوا مُشْرِكِينَ » قال تعالى, ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون لكنهم يختم على أفواههم وتتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود والألسن كلها تشهد على الإنسان بما عمل وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يكر ويعترف إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت انتهى. Et donc il dit, le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, car les criminels rejettent, donc ils rejetteront au jour de la résurrection, ils vont rejeter le fait qu'ils étaient polythéistes. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Puis, leur fitna, leur épreuve ne fut que de dire, par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas polythéistes. لِأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا أَهْلَ التَّوْحِيدِ. Car lorsqu'ils verront les gens du monothéisme, c'est-à-dire lorsqu'ils verront les monothéistes, le fait qu'ils seront préservés du châtiment et sauvés de celui-ci, alors ils nieront le polythéisme afin d'être sauvés. Cependant, leurs bouches seront scellées après cela, et les mains parleront, les pieds, les peaux et les langues témoigneront. Tous ceux-ci vont témoigner contre l'être humain de ses agissements. Et à ce moment-là, celui-ci ne pourra pas rester à nier, mais il va avouer et admettre. Sauf que il sera trop tard pour regretter à ce moment-là. Fin de citation. تأملوا أيها الإخوة في هذا أن الله تبارك وتعالى يجعل الألسن والأيدي والأرجل والأرض كلها تنطق. Méditez sur cela, ô mes frères. Le fait que Allah تبارك وتعالى fera que les langues, les mains, les pieds, la terre, tous ces éléments-là vont parler. فَسُبْحَانَ مَنْ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Alors gloire à celui qui fait ce qu'il veut. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. En ce jour, les gens sortiront afin qu'on leur montre leurs œuvres. فَهُمْ جَمَعَاتٍ. En ce jour, les gens sortiront séparément afin qu'on leur montre leurs œuvres. Et donc, ce sont des groupes. Et chaque groupe se dirige vers sa destination, son refuge. Jannah ou nar, soit un paradis, soit un enfer, un feu. Allah tabaraka wa ta'ala sayurihim a'malahum. Thumma yuhasabu kullu wahidin hasba a'malihi. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala va leur montrer leurs œuvres. Et ensuite chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après cela, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui accomplit un bien, ne serait-ce que le poids d'un atome, le verra. Et celui qui accomplit un mal, ne serait-ce que le poids d'un atome, le verra. فلا بد أن يلقى كل واحد منا عمله صغيرا كان أم كبيرا. Et donc il est impératif, chacun rencontrera ses œuvres, qu'elles soient grandes ou petites. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Alors celui qui trouvera du bien, qu'il loue Allah. Et celui qui y trouvera autre que cela, ne pourra blâmer que sa propre personne. فَفِي هَذِهِ السُّورَةِ الْحَثُّ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ. Et donc il y a dans cette sourate, ô chers frères, l'incitation à l'accomplissement des œuvres pieuses. Et donc nous ne devons pas négliger les œuvres de piété. وَفِيهَا أَنَّ الْعَمَلِ La yadi'u mahma qal. Et il y a aussi en cela que le fait que les œuvres ne sont pas perdues. Même si elles sont minimes, les œuvres ne sont pas perdues. Et donc voilà par rapport à cette sourate très importante sur laquelle nous devons méditer. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi les pieux. Parmi ceux qui trouveront leur parchemin rempli de bonnes actions. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.